La marquise se releva et ôta sa robe, découvrant son corps orné d'un bustier carmin, ourlé de dentelles noires qui soutenaient sa poitrine magnifique. Ses bas de même couleur ainsi que sa culotte transparente, à peine teintée, ajoutaient à son charme divin.